Conte de fées en français. L'artisan qui travaillait dur. Il y a très longtemps, vivait dans une petite ville une boulangère qui s'appelait Mandy et dont les bonbons et les gâteaux étaient célèbres dans toute la ville, surtout ses cupcakes au chocolat et à la fraise. Mandy ouvrait sa boulangerie très tôt et ne vendait que des produits frais confectionnés avec les meilleurs ingrédients. Si à la fin de la journée, il lui restait des gâteaux, elle les distribuait gratuitement aux enfants et en refaisait de nouveau tout frais le lendemain. Les gens affluaient dans sa petite boutique artisanale. Vraiment, Mandy, tes cupcakes sont si bons! Pour mon anniversaire, mon fils ne veut qu'un gâteau de chez toi. Merci beaucoup! Et voici deux cupcakes en plus pour toi, pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire! Oh, merci, madame! Juste en face de sa petite boutique, il y avait le magasin de douceur de Barney. Barney était fainéant. Il voyait les clients faire la queue pour les gâteaux de Mandy et il en était jaloux. Si son affaire continue de se développer comme ça, personne ne viendra plus à ma boulangerie. Je dois faire quelque chose. Alors, Barney réfléchit à une méthode pour attirer plus de clients dans sa boutique. Deux cupcakes pour le prix d'un. Deux cupcakes pour le prix d'un. Certains clients du magasin de Mandy allèrent chez Barney. Mais très vite, ils retournèrent se servir chez Mandy. Deux cupcakes pour le prix d'un. Barney, d'une certaine façon, tes cupcakes ne sont pas aussi bons que ceux de Mandy. Même si tu les vends à un prix plus bas, tes gâteaux ne sont pas assez frais. Désolé. Un jour, un noble passa par la boulangerie de Mandy. Est-ce vous la fameuse boulangère artisanale Mandy? Oui. Que puis-je faire pour vous? Mon fils a goûté un de vos cupcakes au chocolat à l'anniversaire d'un copain. Et maintenant, il insiste pour avoir les mêmes à son anniversaire aussi. Ce sera avec plaisir, monsieur. Vous pouvez tester différents goûts et vous déciderez ensuite lesquels choisir. Oh, c'est une très bonne idée. Ceux-là sont délicieux. Je vais en prendre pour la fête, c'est sûr. Je suis bien contente. Combien en voulez-vous et quel jour organisez-vous l'anniversaire? La fête, c'est samedi, donc dans 3 jours. Vous pourriez faire livrer environ 100 gâteaux chez moi? Je confectionnerai les gâteaux et je les ferai livrer chez vous pour 15h samedi. Mandy travailla vraiment dur pour faire la centaine de cupcakes. De son côté, Barney avait entendu parler de l'énorme commande et avait décidé de tout gâcher. Si le bourgeois de la cour du roi aime ses gâteaux, plus personne ne viendra jamais à ma boulangerie. Il faut que je fasse capoter sa commande. Alors, ce soir-là, quand Mandy eut fini de préparer tous les gâteaux... Enfin, les 100 gâteaux sont prêts. Je vais les mettre en route pour la livraison chez le bourgeois à la première heure demain. Tu les mettras en livraison seulement s'ils existent encore demain matin. Le lendemain matin, quand Mandy arriva dans son magasin, elle reçut un choc de voir que ses gâteaux avaient été dévorés par des souris. Oh mon Dieu! Comment c'est arrivé enfin? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les gâteaux doivent être livrés dans 3 heures! Mandy était vraiment inquiète. À cet instant, Barney entra. Qu'est-il arrivé, Mandy? Pourquoi es-tu si inquiète? Toi, ici? Tu n'ouvres jamais ta boulangerie si tôt. Que fais-tu ici, dis-moi? J'ai une livraison de cupcakes à faire aujourd'hui à la maison du bourgeois. Tu as volé les cupcakes dans ma boutique! Tous les coups sont permis en affaires. Maintenant, Mandy était vraiment en colère. Elle ne laisserait pas Barney s'en sortir comme ça. Mais que pouvait-elle bien faire? Elle eut soudain une idée. Elle se rua dans la cuisine de son magasin et 3 heures plus tard, voici ce qu'il en ressortit. Regarde, maman! Un gâteau qui ressemble à un château! Un gâteau château! J'en veux un! Waouh! Quel gâteau incroyable! Tu as fait ça toute seule? Oui! Ainsi, Mandy livra au bourgeois un gâteau comme personne n'en avait jamais vu avant. Oh, quel gâteau magnifique! Merci! Je sais que tu voulais des cupcakes, mais j'ai pensé que ce serait bien de confectionner quelque chose de spécial. J'adore! Et maintenant, Mandy était connue non seulement pour ses cupcakes, mais aussi pour la beauté de ses gâteaux. Elle commença à recevoir encore plus de commandes qu'avant. Dans cette situation, elle a dû faire face à une difficulté. Elle n'a pas perdu son calme et, avec un peu de créativité, elle s'en est sortie brillamment en gagnant encore plus de succès qu'elle en avait déjà avant.